Chapitre 3. Quand elle eut mis le second couvert, Magdalène attendit la cloche du dîner avec une curiosité, une impatience qu'il ne lui était pas facile de dissimuler. Le retour de Mr. Bartram devait, selon toute probabilité, produire un changement quelconque dans l'existence qu'on menait au château. Et d'un tel changement, si léger qu'il fût, on pouvait espérer quelque chose. Le neveu serait peut-être accessible à des influences contre lesquelles l'oncle s'était trouvé à l'épreuve. En tout cas, leur dîner achevé, ces deux personnages causeraient sans doute de leurs affaires et de cette causerie, qui aurait lieu chaque jour en sa présence, jailliraient peut-être des lumières qui lui montreraient le chemin des découvertes, jusqu'alors invisibles pour elle. La cloche finit par sonner, la porte s'ouvrit, l'oncle et le neveu entrèrent ensemble dans la salle. Magdalène fut frappée, comme sa sœur l'avait été avant elle, de la ressemblance qui existait entre George Bartram et leur père tel qu'il était représenté à Combraven, sur cette toile où la magie de l'art faisait revivre André Vanstone dans toute la splendeur de sa jeunesse. Les cheveux blonds et le teint fleuri, les yeux d'un bleu vif, la taille fière et droite, avec lesquels l'avait familiarisé la contemplation du portrait, lui revinrent en même temps à la mémoire lorsqu'elle vit George, qui, suivant l'amiral pas à pas, traversait la salle pour aller prendre place à table. Rien ne l'avait préparé à cette résurrection soudaine des souvenirs de famille. Tandis qu'elle s'efforçait de dissimuler l'action qu'ils avaient sur elle, son attention se trouva un instant détournée, et pour la première fois depuis son entrée au château, elle commit en servant une légère bévue. La réprimande qu'elle reçut aussitôt de l'amiral, moitié tout de bon, moitié pour rire, lui donna le temps de se remettre. Elle risqua un autre regard du côté de George Bartram. L'impression que cette fois il produisit sur elle éveilla tout aussitôt la curiosité de la jeune fille. Il laissait voir clairement, sur son visage et dans toute son attitude, une vive anxiété, une sérieuse préoccupation d'esprit. Il avait plus souvent les yeux sur son assiette que sur son oncle, et quant à Magdalène elle-même, sauf une rapide inspection de la nouvelle parlour-maid au moment où elle fut interpellée par l'amiral, il ne la regarda pas le moins du monde. Quelque incertitude troublait évidemment ses pensées, quelque contrainte pesait sur sa naturelle liberté d'allure. Mais quelle incertitude, quelle contrainte! Devait-on s'attendre à voir, petit à petit, quelques révélations se faire jour dans les causeries du dîner? Nullement. Un service succédait à l'autre, et aucun propos n'amenait de révélations personnelles. L'entretien courait, par saccades, des affaires publiques prises dans leur ensemble, aux détails les plus familiers et les plus insignifiants de la vie privée. La politique, aussi bien celle du dedans que celle de l'extérieur, alternait avec la chronique familière de Sainte-Croix. Les chefs de la Révolution qui venaient alors d'enlever à Louis-Philippe le trône de France figuraient, dans cette incohérente revue de salle à manger, à côté du vieux Maizet et des chiens. Le dessert fut mis sur la table. Le vieux marin se présenta, porta sa santé de loyal sujet, complimenta respectueusement Master George, et battit ensuite en retraite. Magdalène dut le suivre et sur ses pas retourner à l'office sans avoir surpris, dans tout le cours de ce long entretien, une seule parole qui put le moins du monde servir à la réalisation de ses projets. Elle n'en fit pas moins contre fortune bon cœur, s'efforçant de ne pas perdre, en face de cette première déception, tout courage et toute espérance. Le lendemain, à coup sûr, il ne bavarderait pas ainsi. Le lendemain, il ne serait plus tant question de la Révolution française, ni tant question des deux Terre-Neuve. Le temps qui ferait encore des miracles, le temps devait conspirer pour elle. Restés seuls en face de leur bouteille, l'oncle et le neveu rapprochèrent de la cheminée leur grand fauteuil confortable, qu'ils installèrent en face l'un de l'autre, et en l'absence de Magdalène, ils abordèrent précisément la conversation qui devait le plus intéresser Magdalène. « Du vin de Bordeaux, George, » dit l'amiral, poussant la bouteille du côté de son neveu. « Vous n'avez pas l'air en train. »« J'ai quelques soucis, monsieur, » répliqua George, sans remplir son verre, et l'œil toujours fixé sur le feu. « Charmé de l'apprendre, » répliqua l'amiral. « Si vous avez quelques soucis, j'en ai davantage, moi qui vous parle. » Nous voici au dernier jour de mars et rien n'est fait. Les délais expirent pour vous le 3 mai. et ceci ne vous empêche pas d'être là aussi tranquille que si vous aviez des années devant vous. » George se prit à sourire et d'un air résigné se versa une rasade. « Dois-je, monsieur, prendre au sérieux ce que vous m'avez dit en novembre dernier ? Tenez-vous réellement à me lier par cette condition incompréhensible ? Je ne vois pas qu'elle mérite cette épithète, » dit l'amiral d'un ton piqué. « Comment donc, monsieur ? Je reste héritier de votre domaine purement et simplement, ainsi que vous l'avez réglé dès le début avec une générosité parfaite. Mais je n'aurai pas un farthing de la fortune que vous a laissé le pauvre Noël si je ne suis pas marié dans un certain délai. Le château et les terres doivent m'appartenir, grâce à vos bontés, sans condition et quoi qu'il arrive. Mais les capitaux qui me mettraient à même de réparer l'un, d'améliorer les autres, me seront arbitrairement enlevés si je suis encore célibataire le troisième jour de mai. Il faut croire que je suis totalement dépourvu d'intelligence, car je n'ai jamais ouï parler d'arrangements plus difficiles à comprendre. Pas de grognerie et pas d'épigramme, George. Dites tout net ce que vous avez sur le cœur. L'ironie n'est pas de mise dans la marine de Sa Majesté. Je ne prétends pas vous fâcher, monsieur, mais je trouve un peu dur de me voir pris à court par un changement que je ne pouvais attendre de vous, contraire qu'il est à tous vos précédents envers moi. Et lorsqu'ensuite, tout naturellement, je sollicite une explication, je trouve également un peu dur d'être planté là dans les ténèbres, avec le plus merveilleux sang-froid. Si vous et Noël, avant qu'il fît son testament, vous avez pris de concert quelques arrangements particuliers, pourquoi ne pas me le dire ? Et pourquoi ce mystère entre nous, alors que tout mystère est inutile ? George, mon ami, ces allures ne me vont pas, s'écria l'amiral qui battait le tambour sur la table avec deux casse-noisettes. Vous voulez me déterrer comme un blaireau, mais je vous préviens que vous n'en viendrez pas à bout. J'imposerai toutes les conditions qu'il me plaira, et si cela me convient, je n'en rendrai compte à personne. C'est bien assez d'avoir sur les épaules une masse de tracas et de responsabilités sur lesquelles je ne comptais point. Eh, ne vous inquiétez pas de ces tracas. Ils sont pour moi et ne vous regardent en rien. Sans tous ces interrogatoires et contre-interrogatoires qui me font ressembler à un témoin sur sa banquette. Voyez-moi ce camarade, continua l'amiral, apostrophant son neveu dans une colère poussée au rouge, et faute d'un auditoire plus distingué, s'adressant au chien étalé sur le devant de feu. « Voyez-moi ce camarade. On le prie de s'adjuger deux excellentes choses, chacune dans son genre, à savoir une fortune et une femme. On lui donne 6 mois pour se procurer cette dernière, et en 6 jours, dans la marine, nous l'aurions trouvé avec tous ses accessoires. Je lui connais, ça et là, dans le pays, toute une douzaine de jolies filles, parmi lesquelles il n'a qu'à choisir, et que fait mon gaillard ? Il demeure, pendant des mois, immobile dans son fauteuil. » Les jambes croisées devant lui, sans s'inquiéter si ces jeunes filles se dessèchent ou non sur leur tige, et tout occupé de harceler son oncle afin de savoir de quoi il retourne. J'ai vraiment pitié de ces pauvres femmes. Dans ma jeunesse, les hommes étaient faits de chair et de sang, et n'en manquaient certes pas. À présent, ce sont de vraies mécaniques. Je ne puis, monsieur, dit George, que vous exprimer de nouveau le regret de vous avoir fâché. Allons donc, répliqua l'amiral. Vous n'avez pas besoin, s'il en est ainsi, de me jeter ces regards langoureux. Levez le coude, et mon pardon vous est acquis. À votre santé, George. Je suis charmé de vous revoir à Sainte-Croix. Regardez-moi cette assiette de biscuits. Le chef nous les a fait passer en l'honneur de votre retour. Il faut ménager sa susceptibilité, mais sans faire tort à notre vin. Ici, vous autres. L'amiral expédia rapidement 4 biscuits dans la gueule complaisante de ses 2 chiens. « Je suis fâché, George, » poursuit gravement le vieux gentleman. « Je suis réellement fâché que vous n'ayez pas jeté les yeux sur quelqu'une de ces jolies filles. Vous ne savez pas quel dommage vous vous infligez. Vous ne savez pas quelle inquiétude et quelle mortification vous me causez par cette conduite indécise et ces perpétuelles irrésolutions. » Vous verriez ma conduite sous un jour tout différent, monsieur, si vous me permettiez de m'expliquer. Je suis tout prêt à me marier demain, pourvu qu'on m'accepte. Sera-t-il vrai ? Vous avez donc, après tout, quelqu'un en vue ? Pourquoi, par le ciel, ne m'en avoir pas parlé plus tôt ? C'est égal, je vous tiens quitte de tout, maintenant que je vous sais pourvu d'une future. Remplissez encore votre verre. Il faut porter sa santé à plein bord. Mais, à propos, qui est-elle ? Vous ne tarderez pas à le savoir, amiral. Au début de cette conversation, je vous ai parlé de quelques soucis. Elles ne figurent donc pas dans ma douzaine de jolies filles. Ah, maître George, je lis déjà ceci sur votre physionomie. Et ces soucis, quelle en est la cause? Je crains, monsieur, que vous ne désapprouviez mon choix. Pour Dieu, ne battez pas ainsi la campagne. Comment pourrais-je vous dire si je le désapprouve ou non tant que je ne sais pas de qui vous parlez? Je parle de l'aîné des filles qu'a laissé André Vanstone, jadis propriétaire de Cambraven, vous dites. Miss Vanstone, monsieur. L'amiral posa son verre sans y avoir mouillé ses lèvres. Vous avez raison, George, je désapprouve votre choix, je le désapprouve énergiquement. Est-ce le malheur de sa naissance, monsieur, qui motiverait vos objections? Dieu m'en préserve! Dans le malheur de sa naissance, pauvre créature, elle n'a rien à se reprocher. Vous savez aussi bien que moi, George, où est l'obstacle. L'obstacle vient de sa sœur, n'est-ce pas? Sans aucun doute. Et j'imagine que l'homme le plus dépourvu de préjugés doit penser à cet égard comme moi. Il n'est pourtant pas juste, monsieur, qu'on fasse expier à Miss Vanstone les fautes de sa sœur. Appelez-vous cela des fautes? En vérité, George, vous avez une mémoire bien commode quand vos intérêts sont en jeu. Si cela vous plaît, monsieur, donnez-leur le nom de crime. Je n'en réclamerai pas moins contre l'injustice faite à Miss Vanstone. Sa vie, à elle, est pure de tout reproche. Sans faillir un seul jour, elle a supporté les rigueurs du sort avec une patience, une douceur, un courage que pas une femme sur mille n'eût montré à sa place. Demandez à Miss Garth, qui la connaît depuis son enfance. Demandez à Mrs. Tyrell, qui bénit le jour où elle est arrivée sous son toit. Demandez, demandez, je vous demande pardon, George, mais vous mettriez à bout la patience d'un saint. Je ne conteste en aucune façon, mon cher enfant, les vertus de Miss Vanstone. J'admettrai, si vous y tenez, que jamais meilleure femme n'a passé une jupe. Là n'est pas la question. Mais pardonnez-moi, cher amiral, si je dois les poser, la question est là tout entière. Écoutez-moi jusqu'au bout, George. Envisagez les choses à mon point de vue aussi bien qu'au vôtre. Qu'est-il arrivé à votre cousin Noël? Votre cousin Noël a été victime, le pauvre diable, d'un des plus ignobles complots dont j'ai jamais entendu parler. Et le premier artisan de ce complot était l'infernale sœur de Miss Vanstone. Elle l'a trompé de la manière la plus infâme. Et une fois inscrite sur son testament pour un legs considérable, elle tenait tout près le poison destiné à la débarrasser de lui, telle est la vérité. Nous l'avons su de Mrs. LeCount qui, dans la chambre même de cette femme, a trouvé sous clé le flacon meurtrier. En épousant Miss Vanstone, vous faites de cette misérable votre belle-sœur. Elle entre dans notre famille. Toute la honte de ce qu'elle a fait, toute la honte de ce qu'elle peut faire encore, et le démon seul qui la possède pourrait dire jusqu'où elle ira, cette honte devient la nôtre. Juste ciel, George, considérez la position que vous nous faites. Voyez dans quel poids vous mettez la main si vous acceptez une pareille femme pour votre belle-sœur. Vous avez, amiral, établi un des côtés de la question, dit George, avec plus de résolution que jamais. Laissez-moi maintenant exposer celui qui me touche. Une jeune personne que je rencontre, dans des circonstances fort intéressantes, produit sur moi une certaine impression. Je me garde bien de m'y laisser aller en aveugle, ainsi que je l'eusse fait, moins âgé de quelques années. J'attends afin de la mettre à l'épreuve. Chaque fois que je vois cette jeune personne, l'impression, loin de s'effacer, se fortifie. Sa beauté me charme. Son caractère m'attache de plus en plus. Loin d'elle, je suis agité, mécontent. Auprès d'elle, je suis l'homme le plus heureux de ce bas monde. Tout ce que me disent de sa conduite les personnes qui la connaissent le mieux confirme, et au-delà, l'opinion élevée que je me suis faite d'elle. L'unique tare que je puisse découvrir chez elle résulte d'un malheur dont elle ne saurait être responsable, celui d'avoir une sœur indigne de lui appartenir. Est-ce que cette découverte, désagréable, j'en conviens, fait disparaître chez Miss Vanstone toutes ces bonnes et belles qualités qui lui ont valu mon amour et mon estime? Pas le moins du monde. Elle ne fait que me les rendre plus précieuses par le contraste. Si j'ai à me plaindre de quelque imperfection, et dans ce monde il ne saurait guère en être autrement, j'aime mieux la rencontrer chez la sœur de ma femme que chez ma femme elle-même. C'est ma femme et non la sœur de ma femme qui importe à mon bonheur. Selon moi, monsieur, Mrs. Noel Vanstone a déjà fait assez de mal. Je ne vois pas la nécessité de souffrir qu'elle y ajoute en me privant d'une femme selon mon cœur. Vrai ou faux, tel est mon point de vue. Je ne prétends pas vous ennuyer par des considérations sentimentales. Je n'ai rien à vous dire, si ce n'est que je suis d'âge maintenant à savoir ce que je veux, et que j'ai pris un parti définitif. Si mon mariage est indispensable à la réalisation de vos projets sur moi, je ne puis épouser au monde qu'une seule femme, et cette femme est Miss Vanstone. » Devant une déclaration si nette, il n'y avait guère d'objection possible. L'amiral Bartram se leva de son fauteuil sans rien répondre, et dans une agitation visible, se mit à parcourir la salle de long en large. La situation devenait tout à fait grave. La mort de Mrs. Girdlestone avait déjà fait évanouir une des deux hypothèses prévues dans la contre-lettre. Si le 3 mai prochain trouvait encore George à l'état de célibataire, la seconde hypothèse s'évanouissait à son tour et la contre-lettre n'avait plus d'objet. Il ne restait guère qu'une quinzaine au plus pour faire publier les bans dans l'église d'Ossory, sans quoi le temps manquerait pour l'accomplissement d'une des clauses les plus expressément stipulées par la contre-lettre. Si obstiné que fût naturellement l'amiral, et quelque valeur qu'il accorda aux objections soulevées par le projet d'alliance que son neveu avait conçu, il ne put s'empêcher de reculer devant les faits inexorables que, tout en arpentant la salle à manger, il trouvait toujours groupés en face de lui. « Avez-vous des engagements avec Miss Vanstone ? » demanda-t-il brusquement. « Non, monsieur, répondit George, j'ai cru devoir aux bontés dont vous m'avez toujours comblé de ne traiter ce sujet avec personne avant de vous en avoir entretenu. » « Bien obligé, à coup sûr. Et pour m'en parler, vous avez attendu le dernier moment, selon votre louable coutume. Pensez-vous que votre demande, quand vous la ferez, soit accueillie par Miss Vanstone ?» George parut hésiter. « Le diable emporte votre modestie !» s'écria l'amiral. « La modestie est en ce moment hors de saison. C'est de franc-parler qu'il s'agit. Dira-t-elle oui ou dira-t-elle non ? J'espère, monsieur, qu'elle voudra bien consentir. » L'amiral, après un éclat de rire sardonique, fit encore une fois le tour de la table, puis il s'arrêta tout à coup, mit les mains dans ses poches et demeura immobile dans un coin, absorbé par ses réflexions. Au bout de quelques minutes, sa physionomie s'éclaircit quelque peu. On y voyait poindre les rayons d'une idée lumineuse. Il revint, d'un pas alerte, au coin de la cheminée occupée par George et posant affectueusement la main sur l'épaule de son neveu. « George, vous faites une sottise. » Mais il est maintenant trop tard pour vous en empêcher. Le 16 du mois prochain, il faut que les bans aient été publiés dans l'église d'Ossory, sans quoi vous perdez cette fortune. Avez-vous fait connaître à Miss Vanstone la situation particulière où vous êtes? Avez-vous, au contraire, ajourné ceci comme tout le reste, de manière à vous trouver acculé? Cette position est si exceptionnelle, monsieur, et pourrait présenter les mobiles de ma conduite sous un jour si singulier, que je me suis senti peu disposé à y faire la moindre allusion. Même à présent, je ne saurais comment m'en ouvrir à elle. Essayez de tourner la difficulté en prenant ses amis pour intermédiaires, et faites-leur entrevoir qu'il s'agit d'une question d'argent. Ils se chargeront alors de lever pour vous ces scrupules. Mais ce n'est point là ce que j'avais à vous dire. Combien de temps comptez-vous rester ici cette fois? Je pensais vous donner quelques jours, et ensuite, je suppose, retourner à Londres pour y faire agréer votre offre. Aurez-vous assez d'une semaine pour trouver l'occasion de décider Miss Vanstone, une semaine à prendre sur les 15 jours, ou à peu près, qui vous restent maintenant? Si vous le désirez, amiral, je passerai ici la semaine très volontiers. Ce n'est pas là mon désir. Je voudrais vous voir faire beau paquet et partir demain. George, muet de surprise, regarda son oncle. Vous avez trouvé à votre arrivée des lettres qui vous attendaient, continua l'amiral. L'une d'elles n'était-elle pas de mon vieil ami Sir Franklin Brooke? Oui, monsieur. N'était-ce pas une invitation d'aller passer quelques jours à la grange? Oui, monsieur. D'y aller immédiatement? Immédiatement, si cela m'était possible. Fort bien. Je désire que cela vous soit possible. Je désire que vous partiez demain pour la grange. George regarda le feu de nouveau et laissa échapper un soupir d'impatience. Je comprends maintenant, cher amiral, dit-il. Vous vous trompez complètement sur mon compte. Mon attachement pour Miss Vanstone est à l'épreuve d'une pareille diversion. » L'amiral Bartram reprit sa promenade dans la salle à manger comme s'il était encore à faire son quart sur le pont d'un vaisseau. George, reprit le vieux gentleman, un bon procédé en vaut un autre. Si je me montre disposé à faire des concessions, le moins que vous me deviez, c'est de vous montrer d'aussi bon vouloir et de m'en faire également. Je n'ai rien à dire à ceci, monsieur. C'est fort bien. Écoutez maintenant ma proposition. Écoutez-la simplement et sans parti pris d'avance. Tout homme a le droit d'être ainsi entendu. Pour commencer, je me montrerai parfaitement équitable. Je ne révoquerai pas en doute la sincérité du sentiment qui vous fait regarder Miss Vanstone comme l'unique femme dont vous puissiez attendre votre bonheur ici-bas. Je ne mets pas ceci en question. Ce dont je me permets de douter, c'est que vous vous rendiez compte, aussi exactement que vous le croyez, de vos propres dispositions à cet égard. Vous ne sauriez contester, George, que vous ne vous soyez pris de bien des femmes depuis que vous êtes hors de tutelle. Entre autres, je vous ai vu amoureux de Miss Brooke, pas plus tard que l'année dernière, à pareille époque, il y avait entre vous et cette jeune personne, pour ne rien dire de plus, un système régulier de coquetterie en sourdine. Et c'était tout simple. Miss Brooke figure dans cette douzaine de charmantes fillettes que je désignais au début de notre conversation. Vous confondez, monsieur, un vain passe-temps avec une affection sérieuse, répondit George. Vous vous trompez du tout au tout, croyez-moi, vous vous trompez. Possible, et même probable. Je ne prétends pas être infaillible. Je laisse ceci à mes cadets. Mais j'ai pour moi, George, de vous connaître depuis le temps où vous étiez haut comme mon vieux télescope. Et j'ai besoin de mettre à l'épreuve cette affection sérieuse dont vous vous vantez. Si vous pouvez me convaincre que vous appartenez de cœur et d'âme à Miss Vanstone, aussi complètement que vous le supposez vous-même, il me faudra bien céder à la destinée et retirer toutes mes objections. Mais pour cela, je veux être convaincu. Allez demain à la grange et passez-y 8 jours avec Miss Brooke. Fournissez loyalement à cet aimable enfant l'occasion de ranimer, si elle le peut, cette ardeur qu'elle avait su vous inspirer, et revenez ensuite à Saint-Croix pour me faire savoir comment l'épreuve a tourné. Si vous me dites, la main sur le cœur, que votre affection pour Miss Vanstone n'a pas ressenti la moindre atteinte, vous pouvez compter qu'à partir de ce moment, je ne vous ferai plus entendre une seule parole d'objection. Quelques regrets, quelques appréhensions que je puisse conserver à part moi, je ne ferai rien, je ne dirai rien qui ne soit d'accord avec vos désirs. Telle est ma proposition. Je suis bien sûr qu'elle vous apparaît comme le caprice insensé d'un vieillard, mais ce vieillard George n'est plus destiné à vous contrarier longtemps. Et peut-être un jour, lorsque vous aurez des fils à conduire, trouverez-vous un certain plaisir à vous rappeler que vous lui avez témoigné jusqu'au bout une déférence, un respect inaltérable. Il revint, disant ces mots, du côté de la cheminée, et posa de nouveau la main sur l'épaule de son neveu. George prit cette main et l'étreignit affectueusement, dans le meilleur sens qu'on puisse attacher à ce mot, et avec toute la tendresse qu'il comporte, son oncle avait été pour lui un véritable père. Si vous y mettez une véritable importance, je ferai, monsieur, ce que vous attendez de moi, lui répondit-il, mais je dois vous dire d'avance que cette épreuve n'a aucune chance de réussir comme vous l'entendez. Maintenant, si vous préférez que j'aille à la grange passer une semaine, au lieu de rester ici le même temps, je suis prêt à vous satisfaire. Merci, George, dit l'amiral brusquement. C'est bien ce que j'attendais de vous, et vous ne m'avez pas déçu. Si Miss Brooke ne nous tire pas de cet embarras, pensait l'artificieux vieillard en se rasseyant à table, c'est que ma girouette de neveu se sera rouillée tout exprès. George, continua-t-il tout haut, nous regarderons la question comme provisoirement réglée, et si vous le voulez bien, nous parlerons d'autre chose. Ces soucis domestiques n'ajoutent rien au bouquet de mon vieux Bordeaux. La bouteille est à votre main. Que font les théâtres de Londres? Au temps de ma jeunesse, la marine protégeait les théâtres. Nous aimions à commencer par une bonne tragédie, quitte à nous égayer ensuite par une bourrée. Pendant tout le reste de la soirée, la causerie reprit son cours ordinaire. L'amiral Bartram ne revint sur le sujet proscrit par lui qu'au moment où son neveu et lui échangèrent le bonsoir final. « Vous n'oublierez pas, George, ce que vous avez à faire demain ?»« Positivement non, monsieur. Je prendrai le dog-cart après le déjeuner et je conduirai moi-même. » Le lendemain, avant midi, Mr. George Bartram avait quitté le château et la dernière chance favorable à Magdalene semblait en être sortie avec lui.